On va commencer par des sortes de résumés, disons, pour soit présenter les livres aux personnes qui ne les ont pas lus ou présenter la recherche de Paul, soit les remettre en tête aussi. Et tout de suite après, on va avoir des questions un peu transversales pour ouvrir le débat. Alors, par rapport au livre de Gabriel, un livre très imposant, très impressionnant, mais bon, ça c'est. On pourrait y revenir, voilà, qui circule actuellement. Qui serait sans doute très bienvenue en français également si une traduction un jour est possible, parce que c'est quelque chose. Oui? Ça y est, c'est en cours? Non, c'est pas en cours, mais si vous avez des idées. Voilà, bon, si quelqu'un veut le traduire. Voilà, exactement. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste présenter un petit peu rapidement la structure du livre. Alors, pour ce faire, je me suis aidé de l'introduction où Gabriel, de manière très analytique, développe les arguments qui. Ben, montre que les arguments qui sont développés dans la partie 1, puis dans la partie 2. Je reprends ça, hein, j'invente rien. La synthèse n'est pas de moi, c'est déjà tellement bien fait dans le livre. Alors, la partie 1, il y a deux parties dans le livre. La partie 1 s'intéresse à la question du marché de l'uranium. On pourrait dire de la marchandisation de l'uranium. Marchandisation au sens de transformation de l'uranium en marchandise, en quelque chose qui peut être échangé sur un marché. Avec l'idée que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi qu'il y a un marché de l'uranium. Qu'à certaines époques, dans certains contextes, dans certains pays, il y a des pressions politiques pour qu'il n'y ait pas de marché de l'uranium. Pour que les personnes, par exemple, qui pourraient extraire de l'uranium de leur sol, les pays, ne puissent pas avoir le droit de le vendre à d'autres pays, etc. C'est quelque chose dont on entend parler tous les jours dans la presse, quand on entend parler d'uranium qui aurait été vendu à tel pays et on ne sait pas si voilà, tel pays ne va pas en faire un usage militaire. C'est des tentatives de contrôler et de faire que ça ne soit pas un marché comme les autres. Mais ce que montre Gabriel, c'est qu'il y a également des efforts entrepris par les compagnies minières, par les courtiers en uranium, par des géologues, par des économistes, par des agences nationales et internationales pour créer un marché de l'uranium. Et pour ce faire, que vont-ils faire? Ils vont essayer de dénucléariser l'uranium. C'est-à-dire de dire, en fait, l'uranium, c'est pas un bien différent des autres. On n'est pas obligé de dire que c'est quelque chose de différent parce que ça serait nucléaire. Comme vous savez, le nucléaire, surtout en France, on connaît bien, dès que quelque chose est nucléaire, tout à coup, ça devient exceptionnel. C'est plus géré par les mêmes agences, c'est plus les mêmes protocoles, c'est plus les mêmes réglementations. Par contre, si on arrive à dénucléariser l'uranium, à dire non, c'est juste un bien géologique comme les autres, alors ça sera plus facile de l'échanger sur un marché comme un autre. Alors, malgré cette tentative d'essayer de sortir l'uranium du giron de la politique, c'est-à-dire de dire non, les pays, en tant qu'instance politique, n'ont pas le droit de dire vous pouvez commercialiser l'uranium, vous ne pouvez pas, l'uranium doit aller dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Malgré ces tentatives-là, même dans ce marché de l'uranium qui va se mettre en place, il va subsister des considérations politiques liées de manière indissociable aux considérations économiques. Par exemple, un exemple que donne Gabriel, notamment à partir de. Enfin, on peut donner l'exemple, hein, de la France qui s'approvisionne, par exemple, au Niger. Dans un monde post-décolonisation, l'invocation du libre-échange, du libre-marché, du fait que l'uranium s'échange sur un marché comme un autre, permet en fait de perpétuer des relations de domination qui ont été mises en place pendant la colonisation et qui étaient à l'époque, on va dire, qui faisaient partie du processus de colonisation. On pourrait dire légitimé par la colonisation, à la limite, mais en même temps, la légitimation n'est pas forcément indispensable hein, quand c'est vraiment de la domination. C'est-à-dire qu'après, le fait qu'aujourd'hui la France s'approvisionne toujours au Niger pour l'uranium, ce n'est pas parce qu'elle a un rapport colonial avec le Niger, non, c'est simplement le libre jeu des acteurs sur un libre marché qui fait que voilà, si les compagnies minières qui sont présentes au Niger veulent vendre leur uranium à des compagnies françaises qui vont l'utiliser pour différents usages et notamment pour le nucléaire civil. Alors, ce n'est pas une question politique, ça n'a rien à voir avec un rapport colonial ou postcolonial. Mais de même, si on inverse la perspective, le Niger, à certains moments, va avoir intérêt à insister sur le côté politique des échanges d'uranium, à dire « ce n'est pas un bien comme un autre, on sait que ça a une importance vitale pour la France, et donc, en vertu de cela, on demande une hausse conséquente des prix. Voilà. » Hausse qui n'est pas liée simplement au libre jeu sur le marché, mais au fait qu'ils savent que ça a une importance politique pour la France et que donc ils sont dans des situations où ils peuvent négocier, ils peuvent faire monter le prix, comme les pays de l'OPEP ont fait monter les prix du pétrole en 73. Voilà, bah, le Niger dit pourquoi on ne ferait pas la même chose, puisqu'on est dans cette situation où quelque part on a un contrôle également sur la France, un contrôle par en bas, disons, par le bout de la chaîne, par le début de la chaîne. Du fuel nucléaire. Alors, la première partie insiste aussi sur tout le jeu qu'il y a sur le commerce légal et illégal de l'uranium. Certains commerces sont légaux, certains sont illégaux. Voilà, si vous voulez donner de l'uranium à l'Iran aujourd'hui, c'est pas légal. Ou ça va pas être considéré par légal dans certaines enceintes, par certaines organisations, pour certains usages. Tout ce commerce est imbriqué avec un jeu sur la question de la nucléarité de l'uranium. Nucléarité qui est le terme central du livre de Gabriel. Puisque, voilà, à certains moments, on va insister sur le fait que l'uranium est nucléaire, à d'autres, on va dire que non, en fait, il n'est pas nucléaire. Il va également y avoir un jeu sur les origines, toujours pour contourner les barrières au commerce illicite de l'uranium. Alors, par exemple, le livre parle beaucoup d'une mine en Namibie, la mine de Rössing, c'est ça, Rössing, qui est une mine qui va être exploitée dans les années 60-70, qui, donc en Namibie, à l'époque, Namibie, qui est sous un contrôle colonial de l'Afrique du Sud, contrôle qui est fortement critiqué dans les instances internationales, notamment au motif que l'Afrique du Sud, c'est un pays d'apartheid, et qu'en tant que tel, c'est doublement mauvais, c'est à la fois une colonisation dans un monde post-colonial, mais en plus avec un contrôle par une puissance qui a l'apartheid, qui est quelque chose qui est très critiqué à l'époque. Et cet uranium de Rössing, beaucoup de gens vont dire, on n'a pas le droit de l'utiliser, on ne devrait pas l'utiliser en Europe ou en Amérique du Nord, parce que c'est l'uranium de l'apartheid et dans le monde colonial. Mais il va y avoir un jeu sur des certificats d'origine. L'uranium va être importé dans des sites de conversion localisés en Europe, aux États-Unis, où là, on va écrire un certificat d'origine qui va dire que l'uranium, en fait, est né quelque part dans ce site de conversion. C'est là qu'il est devenu vraiment nucléaire. Il vient de cette usine-là. C'est cette usine-là qui le produit. Et on invisibilise quelque part le fait qu'en fait, il vient aussi d'une mine avant cela, avant d'avoir été converti sous une forme transportable ou commercialisable. Donc de cette mine namibienne. Donc voilà pour une sorte de d'état des lieux de la première partie. Sur cette question de la dénucléarisation, on peut également dire que ça permet de distinguer nucléaire civil et nucléaire militaire, souvent aussi. Il y a le nucléaire qui est le nucléaire du marché, un nucléaire moins nucléaire que le nucléaire militaire. Et ça, je me souviens aussi de Paul qui nous avait expliqué en japonais qu'il y avait deux mots différents pour parler de... Enfin, qu'on n'utilisait pas le même mot pour parler du nucléaire militaire et du nucléaire civil. Et que c'était peut-être une des raisons aussi qui expliquait pourquoi les mouvements contre le nucléaire militaire post-Hiroshima-Nagasaki avaient eu du mal à faire la jonction avec la question du nucléaire civil qui se développe à partir des années 50 au Japon. Alors, la deuxième partie du livre de Gabriel Hecht s'intitule « Le travail nucléaire », donc exactement comme cet après-midi. Alors, là, ce qui... c'est surtout la question du radon, de ce gaz radioactif présent dans les mines d'uranium qui va être traité dans cette partie, même si pas seulement. Et... excusez-moi. Et là, c'est dans cette partie, ce que reconnaît Gabriel dans l'écriture, c'est que la question de l'exposition à ces risques radioactifs, de l'invisibilisation ou de la visibilisation de l'exposition à la radioactivité, en fait, elle rejoint ce qu'on pourrait dire sur d'autres secteurs, sur d'autres mines, sur les mines d'amiante, sur la question de la silicose, etc. Là, pour le coup, comment dire, il y a, voilà, on n'est pas obligé de tomber dans la spécificité nucléaire. Et, on peut dire que beaucoup des problématiques sur, par exemple, les valeurs limites, où on se demande qui est-ce qu'elles protègent réellement, comment est-ce qu'elles ont été mises en place, c'est quelque chose qu'on reconnaît, on retrouve partout. Alors, Gabriel Hecht insiste également sur la question des régimes de perceptibilité, c'est-à-dire comment on va mettre en place des instruments, des façons de penser liées à des instruments qui vont permettre de voir ou de ne pas voir la radioactivité dans les sites miniers. Alors, un exemple, qui est pareil. Le commissariat à l'énergie atomique, dans les années 50, s'occupe de l'opération de mines en France, de mines d'uranium en France, et également de mines à Madagascar. Le CEA en France insiste. Le CEA insiste sur le fait qu'il faut montrer que ces mines sont des mines nucléaires, sont des sites nucléaires. Alors on pourrait dire quel est son intérêt à faire ça ? Ben son intérêt, c'est juste que tant qu'on dit que c'est un site nucléaire, le CEA garde le contrôle dessus. Alors, si on dit que c'est un site comme un autre, un site minier comme un autre, alors le CEA risque peut-être de perdre le contrôle sur ces sites-là. Voilà. C'est pour faire, on en parlait avant avec Pierre Fournier à midi. Pour faire un parallèle, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Il y avait eu un appel d'offres suite à Fukushima sur des recherches en sciences sociales sur la situation au Japon post-catastrophe. Et dans cet appel d'offres de l'ANR, de l'Agence nationale de la recherche, il était écrit exactement « Cet appel est ouvert à toute proposition de recherche en lien avec le tremblement de terre du 11 mars 2011. Depuis l'analyse de l'événement sous tous ses aspects jusqu'aux leçons à retenir en termes de prévention, mais en excluant tous les sujets relatifs à l'industrie et à la sûreté nucléaire. » Ça, c'était marqué en gras dans le mail. Alors, on en avait un petit peu discuté. Je crois que c'était Paul qui avait posé plus de questions à l'ANR par mail. Et ils avaient dit, ah oui, mais ça, c'est la répartition des rôles classiques pour toutes les recherches liées sur les questions nucléaires. Ça, c'est le CEA qui chapeaute. C'est le CEA. Comme c'est nucléaire, c'était ça non, qu'ils avaient dit. Pas que le CEA, vous avez dit, il y a tout et... Il y a plusieurs organismes spécialisés. Voilà, mais c'était... ouais, c'était... Donc l'IRSN... Voilà, CEA, IRSN et... ASN. Donc voilà, on voit un petit peu cette question. Mais donc, je reviens à mes mines en France et à Madagascar. En France, le CEA installe des systèmes de mesure, des dosimètres, etc. Et rend visible quelque part la radioactivité, même si il rend visible également en faisant des moyennes... avec certains procédés qui vont avoir tendance à atténuer le risque radioactif et en se focalisant toujours sur l'exposition et en n'ayant jamais aucun suivi sur les maladies, sur qu'est-ce qui arrive réellement aux cohortes de salariés 30 ans après. À Madagascar, il ne va pas y avoir du tout ce dispositif technopolitique qui va être mis en place. Il ne va pas y avoir la mesure de la radioactivité, les dosimètres, etc. ou alors de façon très parcellaire. Et quelque part, là, voilà, la radioactivité n'existe pas à Madagascar, alors qu'il s'agit du même type de mine. Alors, je vais essayer d'accélérer parce que je vais accélérer. D'autres choses qui sont examinées dans cette deuxième partie vont être la situation, le suivi épidémiologique des travailleurs des mines d'uranium en Afrique du Sud, d'apartheid. Alors, suivi qui ne va toujours se focaliser sur des populations d'études blanches exclusivement. On ne va pas s'intéresser aux populations noires. Et ce qu'explique bien Gabriel, c'est que pour créer un vrai régime dosimétrique en Afrique du Sud de l'apartheid, il faudrait trois conditions. Il faudrait, premièrement, il faut pouvoir voir que le travail de mine est un travail nucléaire. Et c'est une condition qui n'a pas toujours été réunie. Ça varie. Il faut ensuite... comprendre que les études actuelles, les études dans les années 60, 70, 80 sur l'exposition au radon dans ces mines ne doivent pas être. Il ne faut pas faire confiance à ces études, il faut voir que c'est des produits d'un système politique d'apartheid et qu'elles invisibilisent la question des vraies expositions qui sont des travailleurs noirs. Et en plus, il faut se rendre compte que la nucléarité ne commence pas avec les techniciens blancs de niveau moyen. Alors, qui était un petit peu le. Voilà. une autre façon alternative d'envisager la situation. Alors, la conclusion du livre évoque les débats en cours, notamment au Niger, avec les débats sur Areva, la situation d'Areva au Niger, et la dangerosité des mines d'uranium, par exemple celle d'Arlit, sur l'affiche de la journée d'aujourd'hui, on avait mis une photo de la mine d'Arlit, donc au Niger. Areva dit que les cancers sont très rares dans cette zone, s'est défendu en disant que de toute façon les cancers étaient quelque chose qui était causé par un mode de vie occidental avec tabac, alcool, exposition à la pollution, avec l'idée quelque part peut-être implicite que l'Afrique ça serait un pays où il y aurait moins toute cette technologie chimique, ces produits chimiques qu'on ingère tous les jours, cette pollution, ce mode de vie altéré. Et alors voilà, donc voilà ce qui montre que ce genre de débat sur la visibilité, invisibilité continue jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, je terminerai par une phrase qui me semblait très intéressante dans cette conclusion, qui était que le pouvoir des choses nucléaires dépend à la fois de leur exceptionnalité et de leur banalité. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, quelque part? Moi, la façon dont j'ai interprété ça, c'était que, par exemple, des militants anti-nucléaires, une des stratégies qu'ils vont avoir, ça va être de montrer, de dire oui, mais là c'est le nucléaire, là c'est un risque particulier qui n'a rien à voir avec les autres risques. Insister sur cette exceptionnalité. Mais cette exceptionnalité, quelquefois, elle peut servir les intérêts des gens qui ont intérêt à continuer l'exploitation du nucléaire dans certaines circonstances. Quelquefois, la bonne stratégie, disons, des militants anti-nucléaires, ça va être plutôt d'insister sur la banalité du nucléaire par rapport à d'autres travaux dangereux, à d'autres situations de pollution environnementale. Disons que c'est toujours dans des circonstances particulières que l'insistance sur la nucléarité ou la spécificité nucléaire, disons, ou la non-spécificité nucléaire va avoir un effet dans un sens ou dans un autre. Il n'y a pas un effet a priori de ce genre de discours. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Voilà, et on pourra en revenir après dans les questions à d'autres thèmes.